ça. Ça le reflet. Ouais. Le reflet, c'est bien ici. Merci, Vincent. Nous allons commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu nous as laissé ta parole. Plus on avance dans la foi, plus on est conscient que c'est la seule chose qui peut nous guider dans ce monde qui est tellement égaré, loin de la vérité. Puisses-tu, Seigneur, nous apprendre, nous, ton peuple, rester attachés à cette vérité-là. Rester vraiment conscient qu'il faut, comme on va voir aujourd'hui, il faut se battre pour garder la foi, afin qu'on puisse, Seigneur, se retrouver face à face avec toi dans l'éternité. Puisses-tu bénir cette réunion, que ton esprit agisse dans le cœur de chacun de tes enfants. Amen. Amen. Donc, cette épître, ces deux épîtres sont écrites par Paul. Et je vous encourage, si vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui ont des dictionnaires bibliques, mais à ce temps, c'est quasiment plus à mode, c'est Google, ça s'appelle le dictionnaire à ce temps. Et vous pouvez prendre la liste sur Google, vous marquez, mettons, Apôtre Paul, ou Voyage missionnaire de Paul, puis prendre le temps de lire ça. Ça va vous ramener, ça va vous rafraîchir les idées par rapport à ce que vous lisez. Parce que des fois, on dit c'est Paul, puis on passe, c'est Paul, on ne connaît pas, on s'en va. On oublie un peu le personnage. Le personnage était... Parce que dans l'époque des missionnaires, des apôtres, dans cette première génération de chrétiens, il s'est passé des choses qui étaient spéciales pour eux. Il y a eu 12 apôtres, puis il n'y en a plus après. Ça. Donc, c'est des choses de spéciales. Donc, tu sais, des gens qui se convertissent par une apparition de Jésus, là, puis qui tombent à terre, qui deviennent aveugles, là, il n'y en a pas beaucoup de ça aujourd'hui. Mais Paul, lui, s'est converti comme ça. Donc, il faut être capable de discerner quand qu'on l'amène pour nous, ou si c'était pour eux à ce moment-là, pour mettre en place l'Église. Donc, l'apôtre Paul est à Éphèse avec Timothée, et il voit dans l'église d'Éphèse des problématiques. Il voit qu'il y a des gens qui enseignent des doctrines qui ne sont pas des doctrines bibliques. Donc, il décide, lui, il doit partir. Je ne sais pas c'est quoi son horaire, mais il devait partir, s'en aller en Macédoine, et il décide de laisser Timothée à Éphèse. Timothée, qu'on a vu ensemble, cet enfant légitime en la foi, qui va le laisser là pour qu'il puisse redresser l'Église, doctrinalement parlant. Donc, combien de temps que l'Église d'Éphèse existait, combien de temps il y avait des faux docteurs dans l'Église, des gens qui enseignaient des doctrines qui n'étaient pas bibliques, et quand cela, ça se produit, l'Église commence à faire des choses. Des fois, c'est des choses qui sont pas mal en soi, qui sont juste des traditions, des habitudes, ça c'est correct. Mais des choses qui commencent à se faire, qui manifestent un manque de compréhension des Écritures. Donc, mettons, on verrait qu'on... Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, vous autres, les autres, avez-vous déjà assisté ça à la dédicace des enfants qui venaient au monde dans l'Église? Déjà, Peter-Yves ne pratiquait pas ça, je pense, à l'Église baptiste, Peter-Yves. M. Carmoire l'a déjà fait au début de tout, quand il y a des années 76, 77, 78. Quand une famille avait un enfant, il y avait une dédicace pour l'enfant. Donc, il venait en avant avec les parents priaient là-dessus. Puis, du côté anglophone, c'est très populaire. C'est très populaire du côté anglophone. Mais en même temps, tu dis... Oui, c'est correct, mais c'est quoi tu veux dire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Souhaite la bienvenue à l'enfant. L'enfant, il n'est pas conscient de rien. C'est pas un baptême catholique d'enfant, là, mais c'est des petites choses qui peuvent manifester, mais c'est pourquoi tu fais ça, là? T'sais? Puis ça devient-tu que plus important que juste une petite pratique, une petite tradition qui se passe? Ça devient-tu quelque chose de plus important? Et là, ça peut... manifester des fois une mauvaise compréhension de quelque chose. Donc, Paul a vu ça, donc il va laisser Timothée en arrière, et Timothée va redresser l'Église tranquillement. Ça semble prendre du temps, parce qu'il va, il reçoit, la, il se le fait dire, puis il travaille là-dessus, Paul s'en va, Paul va réécrire une première lettre pour encourager Timothée de faire ce qu'il devrait faire, puis il se passe encore un peu de temps, puis il écrit une deuxième lettre pour que Timothée continue à faire ce qu'il a à faire. Donc, ça voulait dire que ça a pris un certain temps à se redresser. Ça a pris un certain temps. Donc, quand l'Église, dans certaines pratiques, tu peux voir une mauvaise compréhension, ou des fois tu peux avoir une mauvaise compréhension doctrinale, des fois tu vas entendre une mauvaise compréhension doctrinale et tu vas regarder comment ça se manifeste dans l'Église. Mettons qu'on croit quelque chose qui n'est pas biblique, tu peux t'arrêter pour commencer à regarder dans l'Église comment ça se manifeste, cette fausse croyance-là qu'on a dans l'Église. Là, tu vas le voir ressortir tranquillement. Et ça fait partie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait juste partie de la vie de l'Église. C'est comme ça. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de faire l'autruche puis penser qu'il n'y en a pas. Là, c'est pire. Mais quand on sait qu'il y en a, puis il va toujours en avoir des choses à redresser, des repas du Seigneur comme on le faisait avant, qu'on a redressé, des choses sur la prière qu'on a redressé, des choses qui finalement, on est obligé de dire, ben c'est pas tout à fait ça que la Bible a dit, pas tout à fait ça que la Bible, il faut se redresser. Ça fait partie du travail de l'Église. Et je vous l'ai dit souvent, depuis qu'on est ensemble, les églises, habituellement, quand ils ont fait 150 ans, sont morts. Ils n'enseignent plus l'Évangile. Ils sont encore là, ils pratiquent encore des choses, ils font encore des réunions, mais ils n'enseignent plus l'Évangile. Je te lis à quelques reprises aux États-Unis, assisté dans les églises baptistes aux États-Unis, tu es là le dimanche matin, puis tu n'as aucune idée s'ils connaissent l'Évangile. Tu n'as aucune idée. Hein? C'est parce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qui est enseigné, tu ne pourrais pas savoir à une fois s'ils sont des croyants. Si j'irais plusieurs, peut-être un an, peut-être je pourrais voir, mais tu n'as pas l'impression, tu as tous l'impression que c'est quelque chose de religieux, que les gens. Moi, j'appelle ça un club social où on se rencontre, puis c'est le fun d'être ensemble, puis là, on s'encourage à être des bonnes personnes, puis à faire du bien autour de nous, mais c'est pas vraiment l'Évangile comme tel. Donc, il faut juste être conscient. Puis pourtant, si on lit le Nouveau Testament d'une façon régulière, vous allez voir que tous les épîtres sont là pour confronter l'Église avec des fausses doctrines ou des pratiques qui n'étaient pas correctes. Des pratiques comme on a vu qu'on a fait Romain, mettons. Il y en a qui disaient, il ne faut pas manger de viande. Il ne faut pas manger de viande. Dieu ne veut pas qu'on mange de viande. Puis d'autres disaient, non, on peut manger de la viande. Puis là, l'autre disait, non, il faut manger juste des légumes. Puis là, ils s'ostinaient là-dessus. D'où ça venait, ces idées-là? Ça vient de quelque part. Et des fois, ça manifeste un manque de compréhension. Pourquoi moi, François, je te dirais, tu n'as plus le droit de manger de la viande, Dieu ne veut pas que tu manges de la viande? D'où ça vient, ça, cette idée-là? Ça vient de quelque part. Donc, c'est ça, il faut que tu te poses la question, d'où ça vient, cette doctrine-là qu'on a dans l'Église? Ici, on va voir, dans les épîtres, les deux épîtres, il y a différentes choses que Paul va dire. On a vu la semaine passée, il a parlé de fables et de généalogie. Avez-vous d'autres? Si vous avez lu les deux épîtres, il y a d'autres façons qu'il va parler? Je m'excuse. Est-ce que les fables, les généalogies, c'est des fausses doctrines? Il s'attache à ça, c'est devenu... Okay. On va voir, ça devient un danger, une si on ne l'arrête pas, ça va. Il va dire dans la deuxième épître, c'est comme de la gangrène qui ronge et qui amène finalement à abandonner la foi. Donc ça commence des fois inoffensif. Mais quand ça devient trop sérieux, là, c'est comme chez les pharisiens, se laver les mains, c'était une coutume. Mais Jésus va finir par leur dire, vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions et vos habitudes. Voyez-vous, là, ça devient plus important, finalement, que la doctrine elle-même. Prendre falloir qu'on oublie la raison pour laquelle on le fait. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ça devient juste une habitude sans même, puis une importance sans souvenir pourquoi qu'on le faisait. C'est ça. Donc, et des fois, c'est ça le danger. D'où ça vient? Pourquoi tu mets tant d'emphase? Pourquoi tu reviens avec ça tout le temps? On va voir qu'il appelle ça des 20 discours. Des discours profanes. Des discours de vieilles femmes. Donc là, il va dire des discours absurdes. Et à la place, il va marquer des contes. Des contes. Un conte, ça veut dire c'est quoi? Un conte de la fontaine, là, tu sais, un conte. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'Église? Puis il dit, ceux qui se sont attachés à ça, tranquillement, vont se détourner de la foi. Donc, ça se fait des fois, ça peut se prendre 10 ans, 20 ans dans une église à se faire. Mais plus c'est rentré longtemps, depuis longtemps, plus c'est dur à enlever après ça. Et c'est pour ça que les pharisiens étaient une belle gang pour manifester ça. Ils ont pris des choses que Dieu avait dit dans la Bible, la loi et tout ça, mais ils ont poussé quelque chose au détriment de d'autres choses. Jésus va leur dire, vous avez même mis de côté la miséricorde, la compassion et l'amour pour faire vos traditions. Vous vous souvenez, la loi disait, vous allez vous occuper de vos parents dans le vieil âge, et vous avez sorti une tradition que vous appelez corban. Maintenant, non, on a donné notre argent à l'œuvre de Dieu, nous autres, on ne s'occupe plus de nos parents. Mm. Ah, c'est tout. Jésus dit, vous êtes éloigné de la vérité. Donc, c'est des choses de même qu'il faut regarder quand on étudie en tant qu'Église, quand on voit. Il faut être conscient que ces choses-là, on n'est pas exempt de ça, nous. On n'est pas exempt de ça, nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a de nos petites traditions qui rentrent de nos habitudes, qui vont devenir, des fois, plus importantes que les vraies choses. Donc, l'apôtre Paul, il dit, on a vu ensemble, que il dit, je te rappelle, Timothée, ces choses-là. Le but que je t'ai laissé là, c'est que tu vas redresser ça. Tu vas dire aux gens qui enseignent d'autres doctrines d'arrêter. Tu vas dire aux autres qui se sont attachés. Le mot attaché, là, c'est devenu plus important qu'une petite pratique. Tu sais, là, tu t'attaches à des fables ou tu t'attaches à de la généalogie. On va voir que tu t'attaches à des contes absurdes. Le mot est fort, absurde. Tu dis, mais attends, pourtant, c'est des chrétiens qui devaient être intelligents. Ce n'est pas des niaiseux, toute cette église-là. Là. Mais pourtant, ils s'attachaient à des absurdités. Je dis, mais voyons. Ça, parce que ça, souvent, là, il va y avoir des versets glissés là-dedans. Moi, je travaille un peu avec les médias, les Facebook et tout ça. Tu entends des choses, tu vois des choses que les chrétiens disent. Tu dis, d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas si vous avez entendu depuis à peu près 5 ans, 10 ans, là. Là, on retourne dans les églises évangéliques au Québec, en France aussi, du côté francophone. On est retourné là, au fait d'utiliser les noms hébreux. Jésus ne s'appelle pas Jésus, ce n'est pas son vrai nom. C'est Joshua, il faut l'appeler. Si tu l'appelles Jésus, tu n'es pas correct. Il faut que tu l'appelles de son nom hébreu, Joshua. Là, tu dis, là, il nomme les noms des livres de la Bible en hébreu. Puis certains qui ne connaissent même pas l'alphabet en hébreu. Mais c'est devenu assez important qu'ils reprennent les gens. Comme nous autres, on pouvait dire au témoin de Jéhovah, « Hey, le vrai nom de Jésus, là, c'est pas le vrai nom de Dieu, c'est pas Jéhovah. » Ça s'appelle pas Jéhovah. Mais nous autres, ils en font quelque chose d'important. C'est devenu... Puis ils nous reprennent. Si on ne fait pas, hey, « attention, toi, là, t'es pas correct. » On a mis un emphase sur des choses qui n'ont plus aucune importance. Comme chez les témoins de Jéhovah, ils ont mis le sang. Le sang est devenu, tu n'as pas le droit d'avoir une transfusion de sang, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. D'où ça vient, ces idées-là? La plupart du temps, il y a un verset ou deux ou trois qui rentrent dans le décor. Et là, mais c'est la parole de Dieu qui dit, donc, il faut le faire. Et là, ça devient, il faut faire attention. Donc, l'apôtre Paul, il dit, je vais te laisser deux lettres, je vais t'écrire deux lettres, pour que tu redresses ça. Puis on va voir que ces fausses, ces doctrines-là, qui n'étaient pas des doctrines bibliques, ces attachements-là à des fables et des analogies et des vains discours ont influencé l'Église dans leur comportement, dans leur façon de vivre la vie chrétienne. Donc, qu'est-ce que je redresse le premier, le comportement ou la doctrine? On devrait passer par la doctrine en premier pour expliquer le changement de comportement. Ou des fois, je crois qu'on pourrait utiliser le comportement pour montrer qu'on s'est éloigné de certaines doctrines. Okay? Donc, si vous m'arrivez, vous, je me souviens, il y avait une femme qui est allée me voir, j'étais en Abitibi dans le temps, et son mari était décédé. Son mari avait été baptisé à notre église tout à l'heure. Puis elle est allée me voir, elle a dit, tiens François, je te donne de l'argent pour que tu chantes une messe à l'église baptiste. Puis là, j'ai dit, on ne chante pas de messe, nous. Ben, fais ce que tu voudras avec l'argent. Mais c'est qu'elle ne comprenait pas, elle ne venait pas à l'église. Mais son mari venait à notre église quand il pouvait, avec les malades. Donc, mais c'est de voir que son idée à elle, elle croyait là, ce qui se passait dans nos églises et elle avait mal compris ce qu'on faisait. Paul, il dit au verset 5, le but de redresser, le but de corriger, le but de reprendre, il va le dire dans le deuxième, reprend, censure, exhorte les gens qui sont dans l'église, afin qu'ils se repentent et reviennent. Le but, c'est le verset 5, premier chapitre, verset 5. Le but de cette recommandation-là que je t'ai faite, de rester à Éphèse et de reprendre ces gens-là, le but, c'est qu'on puisse avoir dans l'église un amour qui vient d'un cœur pur. C'est que l'église, les gens qui vont assister à l'église vont avoir une bonne conscience. Ailleurs, ils vont dire une conscience pure. Cœur pur, conscience pure. Et aussi une foi sincère. On pourrait dire une foi pure. Et le mot pur, là, c'est pas le sens moral. C'est le sens quelque chose qui n'est pas double. Une vie chrétienne double. Une vie chrétienne où tu proclames une foi, puis tu vis autre chose. C'est ça qu'il est en train de vouloir éviter. C'est comme quand on était catholique, on disait que Jésus nous avait sauvés, mais on a l'or purgatoire. Oh, ça ne marche pas ensemble, ça, il y a une contradiction. Donc, puis dans l'église d'Éphèse, il y avait des contradictions. Et quand on étudie l'Apocalypse ensemble, quand Jésus va parler à l'église d'Éphèse 25 ans plus tard, que celle-là qu'on écrit dans Timothée, l'église d'Éphèse, il dit, ta doctrine est bonne, mais tu ne m'aimes plus. Mais où est-ce que c'était rendu là? Ta doctrine est bonne, mais tu ne m'aimes pas. Double vie, double façon de faire les choses. C'est ça qu'il veut dire par pur. Quand il dit un cœur pur, c'est un cœur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu aimes le monde. C'est ça qu'il va dire ailleurs. Moi, je suis un Dieu jaloux, tu ne peux pas aimer le monde et aimer moi en même temps. C'est deux entités contradictoires, tu ne peux pas faire les deux. Donc, c'est ça que non, je parle. Et si je ne parle pas d'un cœur qui ne s'empêche jamais, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui est capable de faire ça. Mais on doit avoir pris une décision qu'on aime Dieu et non pas une autre chose. On ne peut pas être un adultère spirituel. C'est pire que d'être un adultère matrimonial ou conjugal. Tu peux être sauvé malgré que tu as fait un adultère conjugal, mais un adultère spirituel, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, donc il faut faire attention avec ça. Donc l'apôtre Paul dit, je veux que tu ramènes pour que l'Église puisse fonctionner avec un évangile pur. Vous vous souvenez quand on a vu Galates, Paul lui dit quoi? Je suis surpris à quelle vitesse vous vous êtes détourné de l'évangile pour adhérer à un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre évangile. Il dit, si vous adhérez à un autre évangile, vous allez être, il dit, anathème, c'est-à-dire être maudit par Dieu. C'était une église qui n'était pas tellement vieille. C'était toutes des jeunes églises à cette époque-là, c'était toute la première génération. Il faut être conscient qu'on a tous à chacun de nous une responsabilité à veiller là-dessus, à veiller sur la doctrine, à veiller sur ce qu'on croit vient vraiment de Dieu, vient vraiment des Écritures. Parce qu'on a tendance à s'éloigner tranquillement. Et si ce n'était pas le cas, on aurait dans le Nouveau Testament des églises toutes correctes, puis on n'aurait pas besoin, on n'aurait pas de lettres, on n'aurait pas eu besoin d'avoir été écrit. On n'aurait pas eu besoin de leur parler. Et dans notre cas ici, qu'on a vu la semaine passée, il y a des gens dans l'église qui utilisent mal la loi. La loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance. Il l'utilisait mal, il avait mal compris, on a vu ça ensemble, il dit, vous ne comprenez pas ce que vous enseignez, vous utilisez mal la loi. Et ça, c'est le danger, un des dangers les plus grands qu'on a dans nos églises. Ça fait 45 ans que je suis dans les églises. Et c'est la question, je l'ai vécu moi-même, quand on est des jeunes chrétiens, on ne comprend pas toutes ces affaires-là, on lit la Bible, c'est tout du partout pareil. Donc on lit un proverbe, ou un psaume, ou un épître, c'est tout dans la Bible, donc c'est tout correct. Mais il faut faire attention. Donc il y a des chrétiens, parce que ça se passe dans l'église, là. C'est des chrétiens qui sont dans l'église, qui utilisent mal la loi. Donc on veut ramener la loi, on veut prendre la loi pour quelque chose dans l'Église, faites attention comment vous allez utiliser la loi. Si vous voulez revenir à la loi, vous êtes en danger de mort spirituelle. Il va le dire dans quasiment tous les épîtres. Il dit aux Galates, si vous retournez à la loi, vous êtes foutus. Il va dire aux Hébreux, si vous retournez à la loi, vous êtes foutus. Donc, il s'est revenir à la loi, ou va donc venir mélanger la loi, ce qui est encore plus dangereux, mélanger la loi avec la grâce, avec l'Évangile. Ça, c'est pire encore. C'est encore plus difficile à discerner, plus difficile à gérer. Donc, on emmène des choses dedans qui viennent de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Et c'est compréhensible. Parce que l'Église a commencé chez les Juifs. Je me souviens les premiers temps que je lisais les Actes des Apôtres, puis que je vois Paul qui est dans le temple, qui est un chrétien, qui est un apôtre, qui évangélise les inconvertis. Il est dans le temple en train de faire des sacrifices. Il dit, Paul, t'as pas compris? C'est fini ces affaires-là. Il fait un vœu, puis il se fait couper les cheveux, puis il va faire brûler ça sur un autel. Ben, on ne peut pas. Réveille-toi, mon Paul, on est dans la Nouvelle Alliance. Mais ça l'a pris du temps avant qu'ils comprennent, puis qu'ils saisissent tout ça. Là, ça l'a pris une génération pour que finalement, ils puissent nous laisser le Nouveau Testament. Et là, avec le Nouveau Testament, on dit, wow, là, on a mis ça sur l'écrit, c'est ça que vous devez croire, c'est ça que vous devez enseigner, c'est ça que vous devez pratiquer le Nouveau Testament. Ça l'a pris quasiment 60 ans à mettre en place. C'est pour ça que je dis cette première génération-là, il faut être capable de discerner qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce qu'en tant que chrétien, on dit bon, on ne fera pas comme Paul, on ne va pas aller dans un temple, on fait des animaux en sacrifice. Pourtant, Paul l'a fait. Puis même, je dirais, la majorité des apôtres, dans la première génération, l'ont fait. Ils continuaient à aller au temple à l'heure de la prière. Ils disaient, voyons, vous n'avez pas compris qu'on pouvait prier Dieu n'importe où. Pourquoi vous montez au temple pour prier? C'était le temps de comprendre comment la Nouvelle Alliance remplacerait l'Ancienne Alliance d'une façon totale et globale. C'était vraiment ancré en eux. Et c'est pour ça que les gens qui étaient très pratiquants catholiques et qui se convertissent, ils ont de la misère des fois à faire le changement. Ça va lui prendre un peu plus le temps. Nous, on est d'une génération ici, là, notre gang, là. On est d'une génération qu'on était catholique à gros grains, comme on disait. On n'était pas vraiment pratiquant. Donc, ça n'a pas été dur, vraiment, pour... Il n'y a pas personne ici qui faisait un rosaire le soir, un chapelet. J'ai été élevé avec ça, jeune. Mais à l'adolescence, j'avais tout laissé tomber ça. Donc, quand je deviens chrétien, j'ai pas de chapelet acheté à la poubelle, moi, là, tu sais. Mais j'ai vu des chrétiens se convertir, puis là, c'était dur d'acheter le chapelet, puis le statut, puis le médaille, c'était dur de prendre cette décision. Il y avait quasiment comme un sacrilège pour eux autres de jeter une statue à don. Il y en a même eu la donner à un catholique. Va pas ça! Va pas donner un idole à un catholique, tu sais, là, en plus. Il y en a assez chez eux. C'est important. Donc, il dit, faut faire attention. Quand je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le dire jusqu'à temps que Dieu vous donne la grâce d'être avec vous autres. Quand quelqu'un rouvre l'Ancien Testament, allumez une lumière jaune dans votre tête. Allumez une lumière jaune dans votre tête. Attention, il y en a dans l'Ancien Testament. Ça, c'est peut-être terminé, c'est peut-être passé. Faire attention. Peut-être que ça va nous aider à comprendre. Il faut faire attention. Il n'y a pas Ramenez-le. C'est facile de se faire ramener là. Parce que c'est marqué dans la Bible. Mm-hmm. C'est ça, je parlais avec mon petit frère cette semaine passée, Denis. Ouais, François, c'est dans la Bible. Oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Il faut faire attention. Tu ne t'en vas pas à l'église avec ton mouton, toi, là, puis une peinture, là. Lui, le gars à qui il parle, c'est ça qu'il faisait, lui, là. Il partait, puis s'en allait au temple avec son mouton. Toi, tu fais plus ça, là. Fait que fais attention quand tu cites ces versets-là ou ces textes-là. Fais attention pour quand on fait cela. Donc, l'apôtre Paul, il dit, la loi, c'était fait pour les pécheurs. Les pécheurs non convertis, ne faisant pas partie de la Nouvelle Alliance, c'était pas converti. Il ne s'est pas fait pour le juste. Et le Nouveau Testament appelle les croyants les justes ou des justes. Ce n'est pas fait pour les justes, la loi. C'est fait pour les pécheurs, les impies. On est encore des pécheurs, mais on est des pécheurs qui ont été justifiés. Donc, on n'est plus nous. La loi a joué son rôle dans notre vie. Elle nous a emmenés vers Jésus. Puis quand c'est fait, c'est terminé. Tu sais, ton papa et ta maman, ils te donnaient la main jusqu'à temps que tu étais devenu un adulte. Quand c'était un adulte, ils devraient te lâcher la main. OK? Puis dire, tu es un adulte, vole par tes propres moyens, mon gars ou ma fille. Parce que tu as rendu un adulte. C'est normal que je te lâche la main à un moment donné. OK? Et la scène d'alliance, c'était pour m'emmener à Jésus. Et quand je suis rendu, Jésus devient mon maître, mon roi, mon sauveur. J'ai plus besoin qu'on me tienne la main. Je suis devenu un croyant maintenant. Mais pourquoi l'apôtre Paul parle de ça? Et là, à partir du verset 12, il va se donner un exemple. Il va dire, je vais vous conter quelque chose qui me regarde, moi, Paul, pour vous mettre en garde, vous, toi, Timothée. Et peut-être que vous n'avez pas été conscient, quand vous avez lu, mais Timothée a besoin d'entendre ce que Paul dit. Ce n'est pas juste Timothée pour les autres. C'est pour Timothée aussi. Okay? Timothée aussi passe par ses difficultés. Ce qu'il va lui dire, alors, n'aie pas honte. Ranime. Quand tu dis ranimer un feu, là, c'est parce qu'il est quasiment éteint. Hein? Quand tu te mets à quatre pattes à terre, tu souffles dessus, là, c'est parce que... Ça fait longtemps que tu n'as pas mis de bois dessus, là, que je pars, ton bois est à 30 par quelque part. Mais habituellement, quand tu ranimes un feu, c'est parce que tu y es presque éteint. Puis il va dire, ranime, Timothée, le don que tu avais reçu. Ranime ça, parce que tu le laissais aller. Timothée aussi passe par des moments difficiles. Puis il va lui dire, un peu plus loin dans la deuxième épître, fais ça, Timothée, si tu fais ça, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui te suivent. Oups! Qu'est-ce qu'il vivait, mon Timothée? Pourquoi Paul lui dit ça? Donc, lui, tu as besoin d'entendre ça. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 12. Je vais ouvrir ma petite machine pour que vous puissiez l'entendre. Mais ce que je vais faire, je vais faire lire tout le premier chapitre. Okay? On va tout relire le premier chapitre pour qu'on soit vraiment qu'on comprenne bien. Donc, si vous voulez suivre dans vos Bibles, ceux qui ont. Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, il y a des paroles, des fois, qui sont spéciales, comme « livrés à Satan ». On passe souvent dans nos églises, « livrés des gens à Satan », mais on va voir, assez de comprendre ce que ça veut dire. L'apôtre Paul commence au verset 12 et dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, ou dans le ministère. » Le mot qui est là dans le grec, c'est le diaconat, diacre. Donc, dans le service. Le mot ministère, ça paraît plus important, mais c'est dans le service. Donc, j'ai été établi, Dieu m'a donné, m'a fait la grâce de m'établir dans le service pour Dieu, dans le service du ministère, dans l'Église. Paul se voit comme un diacre, comme un diaconat, comme quelqu'un qui sert le Dieu, son Dieu, dans l'Église, avec l'Église. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait deux choses. Il m'a fortifié, puis il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Paul, quand Paul il parle, il peut parler ici au verset 12, 13 et les suivants, ça ne devait pas être facile pour lui de rappeler cette période-là de sa vie. Ça rappelait la période où il était un homme, un blasphémateur, un persécuteur de l'Église, un homme violent. Mais pourquoi il en parle ici? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi il en parle ici, dans la première épître de Timothée? Pourquoi amener ça? Qu'est-ce que ça vient faire? Parce que lui, il a encore comme but, là, aider Timothée à redresser l'Église. La preuve que si lui a pu être redressé, ben n'importe qui peut l'être aussi, parce qu'il était, comme je disais, j'étais le premier, j'étais... Oui. Moi, ça m'a frappé beaucoup parce qu'il dit « J'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Mm-hmm. » Fait que c'était vraiment, lui, il voulait le faire, il avait une bonne intention, mais il avait mal compris certaines choses, puis il a été redressé. Paul va prendre l'exemple, il se donne un exemple ici, de quelqu'un qui avait mal utilisé la loi. Il avait utilisé la loi de façon illégitime, avec une bonne intention. Il a utilisé la loi pour se justifier, au lieu d'utiliser la loi pour être conduit à celui qui pouvait justifier. Donc, il dit, vous me connaissez, là. Vous savez qui je suis. C'est moi qui ai commencé l'Église à Éphèse. Vous savez qui je suis, là. Pas un étranger pour vous autres, là. Vous savez que j'étais un pharisien fourrède, zélé pour Dieu, plus que tout le monde. Mais j'ai compris à un moment donné que j'utilisais mal la loi. Mal la loi. Et il va se convertir. Mais entre le moment qu'il va se convertir et le moment où il va être appelé à aller vers les païens, il s'est passé quelques années, là. Il dit, Dieu, à un moment donné, Jésus m'a jugé fidèle, il m'a fortifié, il m'a jugé fidèle, et là, il m'a confié le travail d'aller annoncer l'Évangile aux non-juifs. Mais il a dit, avant qu'il fasse ça, avant que je me convertisse, avant que je devienne un ministre de l'Évangile ou un serviteur de l'Évangile, j'étais un blasphémateur. Ça veut dire quoi, ça, un blasphémateur? C'est quoi ça? C'est pas une sacrature, quoi? Non! C'est quoi, ça, un blasphème? Il va dire un peu plus bas, « Je les ai livrés à Satan, ces deux chrétiens-là, là, Hyménée et Alexandre, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » C'est quoi, ça, un blasphémateur? Tu penses que c'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu? La parole de Dieu, les doctrines? C'est quelqu'un qui injure Dieu. C'est, ça peut être en parole comme par le fait de rejeter la parole, rejeter les doctrines, rejeter Jésus, hein, quand il dit, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, puis c'est contre lui. Donc, blasphémer, c'est injurier Dieu. Tu peux le faire de différentes façons. Soit en l'ignorant complètement, c'est un blasphème. Ignorer Dieu, c'est un blasphème. Dire Dieu, je pense que tu ne comprends pas bien. Moi, je suis mieux que toi, là. Ça, c'est pas bien, puis ça, c'est mal, c'est moi qui vais décider ça. C'est un blasphème. Paul dit, j'étais un blasphémateur, et je crois que dans sa mémoire à Paul, à ma compréhension, vous pouvez élargir si vous voulez, mais c'était le blasphème d'avoir rejeté celui que Dieu avait envoyé, Jésus. C'était le blasphème. Donc, tu rejettes celui que Dieu a envoyé. Puis lui, il l'a persécuté. Il a dit, comment? Ma colère contre Dieu, ma colère contre Jésus, ma haine de Jésus et de l'Église s'est manifestée, comment? Par la persécution de ce monde-là. C'est comme ça. C'est ça que je dis, il n'y a jamais de distance entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. C'est supposé être pareil, cette affaire-là. Ça. J'ai une haine contre la foi chrétienne, j'ai une haine contre le faux Messie, que Paul pensait que Jésus était un faux Messie, et il le manifeste. Dans sa personnalité, dans sa tempérament, il le manifeste en persécutant l'Église. Il part en guerre contre l'Église. Vous savez, lu sa Bible dans les Actes des Apôtres. Il les traîne, il les attache par les. Puis, ah ouais, la maison, puis il fouette, puis il force à blasphémer par injurier Dieu, à renier la foi. Puis il dit qu'il le fait d'une façon violente. Donc c'était un méchant numéro, ce Paul-là. Puis de. Pas quelque chose que tu te vantes en généralement. Là, il va le dire ici à l'église d'Éphèse pour une raison bien précise. Je crois pas que Paul aimait rappeler ces moments-là. Il le fait de temps en temps, quand c'est nécessaire. Mais il y a une raison pourquoi il le fait ici. Donc, il dit, avant que je sois un apôtre, j'étais un blasphémateur. J'étais un persécuteur, puis un homme violent. Et donc, puis il dit, mais, il y a un beau mais, au verset 13, mais j'ai obtenu miséricorde. Pourquoi j'ai obtenu miséricorde? Parce que j'agissais par ignorance et incrédulité. Qui est le cas, je dirais, de tous les gens qui ont entendu l'Évangile. Ignorance et incrédulité. J'agissais comme ça. Et c'est un. On va retenir peut-être une partie aujourd'hui, retenir dans les Épîtres. Dieu est moins sévère envers les inconvertis qu'envers des chrétiens qui s'éloignent de la vérité, qui n'ont pas un cœur pur. Vous voyez ce que j'ai fait avant? Malgré ce que j'ai fait comme ça, avant, J'ai obtenu miséricorde pareil. Mais là, il va leur dire à eux, mais vous savez, vous avez fait profession de foi, vous avez cru en Jésus-Christ, vous l'avez professé dans le baptême, vous l'avez fait, vous autres, maintenant, vous autres, watchez-vous un peu. Faites attention, vous autres, maintenant. Vous n'êtes pas dans l'ignorance et dans l'incrédulité, vous vous présentez comme étant vrai et dans la vérité. Faites attention à comment vous allez agir et parler et vivre, parce que vous n'êtes plus des ignorants, vous autres. Vous avez entendu la vérité. C'est quoi la différence? Peut-être que je suis dans le champ peut-être. Parce que là, tu dis qu'il agissait par ignorance. Puis quand on a passé dans Romains, on tenait la vérité cachée. Oh, c'est pas la même chose. Un, c'est pour la question de que Dieu avait créé le monde. Et puis ici, dans on parle. Ouais, c'est ça qu'il est en train de dire. Ils ont gardé la vérité parce qu'il dit que c'est manifeste dans la nature, les attributs de Dieu. Quand on regarde ses œuvres, on voit la puissance de Dieu. Donc, c'est ça qu'il parle que l'être humain a. Parce qu'on a retenu la vérité captive que tu disais. Oui, c'est la vérité captive que Dieu a créé le monde, que Dieu était le créateur. Okay. Mais ici, on parle d'avoir. Paul dit. Dans l'ignorance par rapport à l'Évangile, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à ces choses-là. C'est ça qui est dans le contexte ici qui parle, selon ma compréhension. Il dit grâce, il dit, mais parce que j'agissais par ignorance, parce que Paul n'était pas ignorant de l'Ancien Testament. Hein? Paul, il connaissait par cœur l'Ancien Testament. Mais il avait mal compris, comme les Juifs qui viennent parler quelques versets plus haut. Il dit, vous utilisez mal l'Ancien Testament, vous comprenez mal l'Ancien Testament, et vous l'utilisez mal. Et moi, j'ai fait la même chose que vous autres. Puis j'ai agi par incrédulité envers Jésus-Christ qui s'est présenté comme le Messie qui devait venir. Oui? Tu vois, si tu me permets, moi, ce verset-là, quand il dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, ça m'a un petit peu ramené à ce que nous aussi, dans le passé, il y a certaines choses que, pour prendre juste un exemple bien banal, exemple la prière, qu'on appelait pour se servir. Ça aussi, c'est un peu l'ignorance et l'incrédulité qu'on n'avait pas. Moi, c'est un peu, c'est ça qui me disait que, fait, qu'on peut tous être redressés, c'est pour ça qu'il laisse Timothée là, pour tous redresser les petites choses au travers de tout ça. Plus peut-être que ce que tu disais il y a quelques minutes, une minute ou deux, tu sais, maintenant, vous savez, ça va être encore pire. Je le voyais moins comme ça un peu, plus que, ben moi, j'ai pu être redressée parce que je le faisais par ignorance. Vous aussi, les choses que ça va pas trop, bon, mais on peut encore, la miséricorde de Dieu va être là, mais, tu sais, Timothée, vas-y, là, redresse-la sur cette base-là. Que la... Oui, mais c'est parce que c'est pas tout à fait la même chose. Paul, il parle de son expérience avant d'être croyant ici, pas pendant qu'il est croyant. Ouais. Il n'a pas dit, j'ai besoin d'être redressé pendant que j'étais un croyant. C'est pour ça que tu ne vas pas livrer ouais, à ça. Oui, mais il prend quand même la comparaison pour comparer avec des gens qui sont croyants. Là, il prend, c'est un peu, il prend la l'utilise pareil là, pour mais des gens croyants. Il l'utilise pour parler aux gens qui utilisent mal la loi, comme lui utilisait mal la loi avant. C'est ça, mais c'est des croyants dans l'Église. Mais c'est ça. Oui, c'est des croyants dans l'Église qui font ça. Ils disent, moi, j'ai obtenu miséricorde parce que quand j'agissais comme ça, je ne connaissais pas la vérité. Vous autres, maintenant, si vous connaissez la vérité, n'agissez pas comme ça. C'est pour ça que quand il dit, mettons, aux Hébreux, vous, si vous faites ça, vous êtes perdus. Là. Tu ne dis pas à un inconverti, si tu fais des péchés, tu es perdu. Mais pourquoi tu dis à un chrétien, si vous faites ça, vous êtes perdus? Les inconvertis, ils sont tous perdus, là. Mais pourquoi tu dirais à des gens qui sont dans l'Église et qui pratiquent la foi et qui font un mauvais choix dans leur vie de retourner à des pratiques qui étaient pas sont plus valables, tu leur dis, mais si tu retournes en arrière, tu es perdu. Oui, mais ici, là, peut-être qu'à cause du dernier verset là, par rapport à Alexandre et Méné, là, mais je me disais, dans ce contexte-là, où il parle à des chrétiens, où il parle à Timothée d'aller redresser certains chrétiens, je me disais, est-ce que c'est vraiment comme tu disais tantôt, là, ça va être pire pour vous. Peut-être que le dernier. Mais c'est pire parce que si ça ne reste pas, c'est la perdition. C'est ça qui arrive, si ça ne reste pas, c'est la perdition. C'est ça qui va arriver. Il n'y a pas rien, c'est tu crois ou tu crois pas. Il n'y a pas de milieu là-dedans. Là, il parle à des gens qui sont censés savoir. Ils savent, puis ils ont fait profession de savoir. C'est pour ça que vous allez avoir, mettons, dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a plus de repentance possible après ça. Il n'y a plus de sacrifice possible pour vous autres, si vous allez dans cette direction-là. C'est pas que... Le but de le dire, c'est pour ça que tu dis, mais pourquoi tu amènes cela? C'est parce que vous autres qui vous voulez maintenant reprendre la loi et revenir sous la loi dans l'Église, vous êtes dans une position plus dangereuse que celui qui était en dehors, qui n'a jamais été dans l'Église, qui était en inconverti. Lui, il est déjà... Il n'est pas croyant. Non, mais pourquoi quelqu'un qui se déclare croyant voudrait tout d'un coup retourner à la loi, à la pratique de la loi? C'est ça qui est la question qui est dangereuse. Parce que dans le fond, il n'a pas compris, il n'accepte pas le salut ultime de Jésus à ce moment-là. C'est pour ça qu'il va voir, on va voir, il va dire à quelques reprises, faites attention de vous délivrer des pièges de Satan, puis il va parler de certaines femmes qui suivent, qui ont abandonné la foi pour suivre Satan. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là qui se passe dans l'Église? Que des gens qui abandonnent la foi pour suivre Satan, c'est quoi cette histoire-là? C'est des gens qui c'est pas des gens des inconvertis, c'est pas des gens dehors de l'Église, c'est des gens dans l'Église. Donc c'est plus difficile et c'est plus traître, je pourrais dire, dans ce sens-là. Est-ce qu'on sait ici qu'est-ce que Hyménée, Alexandre, est-ce qu'on en parle? Oui, on va en parler tout à l'heure. Okay? On leur voit on va en parler tout à l'heure un petit peu quelque chose. Okay? Pourquoi livrer ces gens-là à Satan? Okay? Donc c'est. Parce que il y a du danger qui vient de l'extérieur. Du monde peut influencer. Le grand danger de l'Église, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de l'Église, le danger. C'est toujours ça qui va perdre l'Église, finalement. Parce que les inconvertis, on les voit venir avec le gros sabot. Okay? On les voit venir avec les gros sabots, les inconvertis. Mais dans l'Église, c'est plus subtil. C'est pour ça que Paul va dire à l'Église de Corinthe, faites attention, le diable se déguise en ange de lumière puis il vous trompe. Il n'est pas venu avec ses gros sabots, le sale diable est venu à déguiser en ange de lumière pour vous tromper et vous emmener dans une autre direction. Puis pourtant, l'histoire nous le dit que c'est ça qui arrive dans l'Église. Mais l'Église ne prend pas au sérieux, en général. C'est pour ça que finalement, elle va raconter une fois. Elle recommence à côté. Parce qu'on ne prend pas au sérieux qu'il y a un danger. On ne prend pas au sérieux. On a l'impression qu'on est à toute épreuve. On est intuable, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Et il dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et incrédulité, et j'ai obtenu aussi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à surabonder. » Donc, parce que j'agissais en ignorance et incrédulité, ben, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, sa grâce a surabondé pour moi. Mais pourquoi sa grâce a surabondé? Parce qu'il dit avec la foi et l'amour, donc c'est parce que j'ai agi par ignorance et incrédulité. Comme vous et moi, la première fois que j'ai entendu mon frère me parler de l'Évangile, c'était la première fois que j'entendais ça. Je n'avais jamais entendu l'Évangile avant, moi, non. C'était dans l'ignorance. Puis j'étais dans l'incrédulité dans d'autres domaines, j'étais. Et là, on se disait, je parlais avec Richard, mon gendre cette semaine, puis je disais. On va parler tout à l'heure d'une longanimité, d'une patience de Dieu. Mais dit Dieu, il n'est pas bonasse. Jusqu'à temps, il est patient. Parce qu'à un moment donné, on dirait que la patience a une limite. On le sait tous, parce qu'il y a une limite, parce qu'il va mettre une fin du monde. Fait qu'il y a une limite à sa patience. Il y a une limite parce qu'il y a un déluge. Il y a une limite parce qu'il y a un Sodome et Gomorrhe. Il y a une limite. Il y a des limites à la patience de Dieu. Puis, comme Jésus va dire dans l'Apocalypse, il y a une limite. C'est la dernière fois que je vous avertis, si vous ne repentez pas, je vous enlève votre chandelier. Il y a une limite. Mais Paul lui dit, moi, parce que j'agissais par l'ignorance et l'incrédulité, j'ai reçu la miséricorde et j'ai reçu la grâce en abondance. Donc, il dit, au verset 15, C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Premier, pas le premier pécheur, puis pas le dernier. Qu'est-ce qu'il veut dire par le premier? Il note, ben, dont je suis le premier. Étais-tu plus pécheur que les autres en général? C'est-tu qui se voyait plus pécheur? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le premier pécheur ou le premier dans le sens le plus grand pécheur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça se peut que ce soit le premier parce que c'est révélé directement à Paul? Non, je ne pense pas que c'est ça qui est en train. Restons-nous dans notre contexte aussi. Il y avait une grande connaissance de l'Écriture de l'Ancien Testament. Non, pas vraiment à cause de ça. La question, c'est le verset 16. Là. Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé, moi? Pourquoi est-ce qu'il est venu me chercher, moi? Pour manifester quelque chose, il voulait montrer, je suis devenu une leçon de choses, moi, Paul. Je vais devenir un exemple pour toute l'histoire de l'Église. Il dit, moi j'ai déjà dit à des païens, si Dieu a sauvé Paul, il peut te sauver toi aussi, mon gars. Paul dit, je suis le premier, dans le sens, je crois que dans le Nouveau Testament, on n'a pas vu plus agressif contre l'Église et contre Jésus-Christ. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a personne qui s'acharne contre Jésus aussi fort que Paul. Au point de faire mourir les chrétiens, puis tuer Étienne, puis ah ouais, non, par là, puis on traîne ça, puis on les fait blasphémer, puis on les fait abandonner la foi. Paul s'est acharné pendant des années contre l'Église. Mais il dit, Dieu m'a fait miséricorde quand même. Donc c'est ça qui est important de retenir. Mais il dit, mais j'ai obtenu miséricorde. Il va devenir une leçon pour toute l'histoire de l'Église. Peu importe ce que tu as fait avant dans ta vie, peu importe les péchés que tu as faits, peu importe comment tu es nommé, peu importe comment tu as été adultère, comment que tu as été idolâtre, puis que tu aurais pu sacrifier tes enfants à Moloch, peu importe ce que tu as fait avant, tu peux toujours obtenir miséricorde. Tu peux toujours obtenir miséricorde. Puis Paul lui dit, moi je suis allé plus loin que les autres, je me suis acharné contre le Christ lui-même, contre Jésus lui-même, puis contre son peuple, j'ai voulu détruire, mettre fin à l'Église. J'ai voulu arrêter l'Église d'avancer. Lui, c'est pas s'il aurait pu, là, il aurait détruit toute l'Église, ça aurait été fini, ça n'aurait jamais été plus loin. Là. C'est ça qu'il voulait faire. Il voulait arrêter l'Église. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que je pense qu'il veut dire « Je suis le premier » dans ce sens-là. Mais, on va cesser, mais la miséricorde de Dieu, pourquoi Dieu m'a fait miséricorde? Afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. Longanimité, ça veut dire quoi? Patience. Patience, plus que ça. Clémence. Oui. Grâce. Non. Grâce. Oui, c'est grâce, c'est... fait partie, mais la longanimité, c'est la capacité de retenir un jugement sur quelqu'un qui le mérite. OK? C'est pas juste la patience dans le trafic, là. OK? C'est, Dieu dit, tu mérites que je te détruise, mais je retiens mon jugement. Dieu a montré, moi, Paul, je deviens un exemple à quel point Jésus a été patient envers quelqu'un qui détruisait son peuple. Mais quand j'ai eu la foi et l'amour pour le Christ, le Messie, Dieu a enlevé cette menace-là, ce jugement de mort sur moi, et je suis devenu un croyant. Et je suis devenu un exemple pour tout le monde. Paul, le persécuteur d'Église, a été sauvé. Paul, le persécuteur d'Église, celui qui voulait détruire l'Église, a été sauvé. Puis ben, Dieu va dire, en plus, il va l'établir dans le ministère comme apôtre, puis en plus, il va y faire écrire trois quarts du Nouveau Testament. On peut-tu voir la grâce de Dieu envers un acharné autant contre l'Église? Ce qu'il est en train de dire, moi, là, j'ai vécu ça, mais j'étais ignorant et incrédule de cette période-là. Après, c'était une autre histoire. Mais quand, avant, si je n'avais pas été un ignorant et incrédule, avant, ça n'aurait pas marché pareil comme ça, ça n'aurait pas été la même affaire. Donc, c'est pour ça qu'il donne son exemple ici en disant, Dieu est prêt, Dieu est prêt à faire miséricorde à plein, à tout le monde. Tu sais, on disait tout le temps, tout péché est miséricorde. Même Jésus l'a dit, hein? Tout péché peut être miséricorde ou peut être pardonné. Acceptez le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul, il dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi comme ça. Et Dieu s'est servi de moi pour que je sois un exemple pour tout le monde. Mais pourquoi il me dit ça? C'est tout simplement, il est en train de dire, si vous allez dans une autre direction, après avoir eu connaissance de la vérité, il va le dire autrement dans l'Épître aux Hébreux, après avoir goûté la grâce, après avoir goûté le don du Saint-Esprit, l'Épître aux Hébreux, il dit, et si vous vous détournez à nouveau, il n'y a plus de repentance possible pour vous. Moi, les gens qui se sont détournés de la foi, contre la foi, pas juste abandonner une église, là. Pas juste partir pour aller à l'église, là. C'est pas ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui va contre l'église. OK? Et on va voir tout à l'heure, les Hyménée et Alexandre ne sont pas partis de l'église, sont restés dans l'église, mais ils veulent amener la fausse doctrine dans l'église. C'est pas des gens qui quittent l'église puis ils veulent plus rien savoir, ils se retournent dans le monde. Pas ça, là. Pas ça, là. Ils sont dans l'église, puis ils veulent rester dans l'église, puis ils veulent changer l'église, l'amener dans une mauvaise direction. Je ne peux pas laisser faire ça. Une fois, je les ai livrés à Satan, dans ce sens-là. Donc, c'est. Et Paul, il dit. Puis, quand il se souvient de ça, au verset 12 jusqu'au verset 16, de se rappeler son expérience à lui de salut, il dit au verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Il est tout énervé en se rappelant son salut. Il est tellement heureux que Dieu lui a fait miséricorde et grâce. Parce que Paul sait facilement qu'il ne méritait pas. Avec ce qu'il avait fait contre le Christ et contre l'Église. C'est là, si vous alliez dans une église, là, puis vous avez tué la moitié de l'église 10 ans avant, là, si vous rentrez dans cette église-là, vous serez un peu gêné, là. Tu serais un peu mal à l'aise. Là. Parce que tu as tué probablement les membres de leur famille. Là. Mais même Jésus, puis Paul, lui, c'est qu'il se présente devant Jésus se souvenant qu'il a fait persécuter l'église. Pas juste persécuter n'importe qui, persécuter l'Église. Et que Jésus lui ait fait grâce quand même, et qu'il ait établi dans le ministère, il est reconnaissant à un point tel qu'il a consacré sa vie à Jésus pour le sein de sa vie. Si le verset 17 n'est pas la motivation de notre service pour Dieu, c'est juste la religion qu'on fait. Juste la religion. Notre service pour Dieu, c'est une réaction à la grandeur de son amour pour nous. C'est une réaction à la surabondance de sa grâce, de sa miséricorde à notre égard. C'est pour ça qu'on veut être zélé pour le servir, parce qu'il a tellement fait pour nous. Il a tellement été gracieux envers nous. J'ai déjà conté mon témoignage à quel point j'étais en colère, moi, contre Dieu. J'étais encore en colère des fois, mais pas contre Dieu. En colère contre Dieu. J'en voulais à Dieu. Et de voir que Dieu, malgré mes blasphèmes, malgré mes injures, je maudissais Dieu, je sacrape à Dieu, à journée longue, d'être dans mon bois de suite. Puis qu'il finalement me fasse grâce quand même. Tu dis, bon, sa grâce est grande. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Je vais te servir. Parce que tu as tellement été miséricordieux envers moi qu'il était un pécheur. Mais des fois, on oublie ça. C'est comme, il nous a fait un beau cadeau. Mais ça n'écoute pas trop. Faites un beau cadeau. Mais il faut aller plus loin que ça, je pense. Et là, au verset 18, la recommandation que je t'adresse. Ça fait 3-4 fois qu'il dit ça. Hein? Recommandation, commandement, dépendamment de la Bible. Il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, à toi, mon enfant. Je vais te dire de quoi, Timothée. Là, il y a quelque chose qui est dit. Dans ces trois versets-là, il y a deux, trois affaires qu'on n'entend pas souvent. OK? Selon la recommandation que je te fais est basée à comme base les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. C'est quoi qu'il parle? De quoi il parle là, dans ce? Il dit, la base de ma recommandation à ton égard, Timothée, c'est qu'il y a eu des prophéties faites à ton sujet. Il n'y a pas entendu des prophéties par rapport à l'avenir. Il y a des prophéties qui ont été faites au sujet de Timothée. Un peu, dans la deuxième lettre, il va dire, tu as eu l'imposition des mains de l'assemblée des anciens et tu as reçu un don. Puis une autre personne dit, ramène le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, il s'est passé quelque chose de spécial dans la vie de Timothée. À un moment donné, l'assemblée des anciens, peu importe c'est quoi cette histoire-là, ailleurs on va l'appeler le collège des anciens, ils ont pris Timothée, puis Paul devait faire partie de cette gang-là, puis ils ont imposé les mains à Timothée, et Timothée a reçu un don. C'est pas une pratique très courante dans nos églises. Des fois, on impose les mains au nouveau pasteur, là, mais c'est une belle cérémonie religieuse baptiste, c'est correct, c'est pas une tradition, c'est fun, on prie pour lui, c'est correct. Mais ici, c'est pas ça, là. Il dit, d'après ce qu'on a fait avec toi, Timothée, souviens-toi, là, les prophéties qui ont été faites à ton sujet. Ça, c'est comme si ça, c'est l'obligation que tu as de combattre la foi. Mais cette prophétie-là, provenait pas, il ne parle pas d'une prophétie de l'Ancien Testament. Non, non, non. Okay. C'est des prophéties qui ont été faites au sujet de Timothée. C'est ce qui est bien marqué. Là. Des prophéties faites à ton sujet. C'est pas qu'ils ont été chercher des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pas qu'ils ont fait des prophéties. Hey, Timothée, on va te dire qu'est-ce qui va t'arriver dans la vie. Tu vas rester célibataire. Tu vas accompagner Paul. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait de quoi, puis dans les autres versets, si vous avez fait la recherche dans les deux épîtres, il va dire, tu as reçu un don par l'imposition des mains, de mes mains à moi et des anciens. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu spécial pour Timothée. Et c'est sur cette base-là que je t'encourage, je t'adresse ce commandement-là de combattre le bon combat. Tu dois combattre, Timothée. C'est vrai, dans l'épître de Timothée, puis dans la première et dans la deuxième, la vie chrétienne est décrite comme une guerre. Il va lui dire un peu plus loin, Timothée, tu es un soldat. Soldat, combat, ça va ensemble, n'est-ce pas? Donc, il dit, la vie chrétienne, c'est un combat, Timothée. Il faut faire que tu combattes. C'est drôle, c'est quoi le combat? Non, le combat, en tout cas quand j'étais jeune chrétien, le combat, là, c'était pas de faire pas des péchés. Là. C'est essayer de faire le mieux qu'on pouvait pour ne pas faire de péché. On combattait le péché. Mais ici, c'est pas ça qu'il parle. C'est le combat pour garder la foi qui parle. Qui est d'autrement plus sérieux qu'un combat contre le péché. Le combat contre le péché, c'est correct. Ça fait partie de la vie chrétienne, on combat contre le péché aussi. C'est correct. Mais c'est pas de ça qu'il parle ici. Non. Tu vas combattre avec qui? Avec quoi? Parce que moi, quand je me combats, j'aime bien voir l'ennemi. J'aime bien voir contre qui je me bats. Puis c'est quoi la guerre? C'est quoi la raison de cette guerre-là? Mais on va voir ce qu'il va dire au verset 19. Tu vas combattre en faisant deux choses. Non, je reviens là, c'est quoi cette histoire de don? Il faut que je revienne là, il faut que je vous explique ça. Dans les deux épîtres, quel don a-t-il reçu, Timothée? Si vous avez lu les deux épîtres, c'est quel don qu'il a reçu? Évangéliste. Il a reçu le don d'évangéliste. C'est qu'il va lui dire dans la deuxième épître, fais l'œuvre d'un évangéliste. Puis qu'est-ce qu'il dit de faire? Parce que tu es un évangéliste, reprend, censure, exhorte, afin qu'on reste attaché à la bonne doctrine. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a quatre dons. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait l'Épître aux Éphésiens. Il y a quatre dons d'hommes. pour mettre le fondement de l'Église dans la première génération. Premier, apôtre. Deuxième, prophète. Troisième, évangéliste. Quatrième, pasteur docteur. Afin de mettre un fondement dans la première génération, on a mis un fondement pour l'Église de la base doctrinale. L'apôtre passait, il enseignait l'Évangile comme Paul faisait, et en arrière de lui, il y avait des évangélistes qui redressaient, qui mettaient ça en ordre, puis faisaient ça, puis là, on passait. Ça, c'est la première génération. Je ne crois plus qu'il y a des évangélistes aujourd'hui, personnellement. Évangélistes, ce n'est pas des bénégrammes, c'est des évangélistes. Ça n'existe pas dans ce sens-là. Moi, des gens qui prêchent l'Évangile, puis qui ont une capacité de prêcher l'Évangile, c'est des chrétiens qui prêchent l'Évangile. On ne les appelle pas des évangélistes dans la Bible. Dans tout le Nouveau Testament, il y a juste deux fois qu'on parle d'évangélistes. Timothée, il en était un. L'autre, c'était qui? Philippe, dans les Actes des Apôtres. Juste deux. Dans toutes les lettres, après ça, on n'en parle plus vraiment, excepté dans Éphésiens, qu'on parle que Dieu a donné de ces quatre hommes-là. Pourquoi? Pour que l'Église ne soit plus ballottée à tout vent et toute doctrine. Mais qu'elle ait une foi unique. On l'a vu comme on l'a fait dans Éphésiens. Donc, il dit, vu que tu as reçu le don d'évangéliste, fais le rôle d'un évangéliste. Combat le bon combat afin que la foi reste pure. C'est pour ça qu'il va dire, tu vas combattre en faisant deux choses. Là, j'arrive au verset 19. Première chose que tu vas faire, en gardant la foi, ça c'est la première chose, et en gardant une bonne conscience, je vais combattre en faisant deux choses. Je vais garder la foi, puis je vais garder une bonne conscience. C'est les deux choses qu'il doit faire. Parce que le mot en gardant, c'est le participe. Hein? C'est toi. Tu vas faire ci, tu vas faire ça en faisant ça. Comme il dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations disciples en les baptisant, c'est en faisant quelque chose. Donc, je vais faire un disciple en allant, en baptisant, en enseignant, je fais des disciples. Ici, tu vas combattre, ton combat va considérer deux choses. Tu vas te battre pour garder la foi, tu vas te battre pour garder une bonne conscience. Parce que Paul et Timothée doivent garder une bonne conscience. Tout le monde doit garder une bonne conscience. Mais ici, il va dire, toi, Timothée, toi, t'es Timothée, qui est responsable à ce moment-là dans l'Église, en tant qu'évangéliste. Parce qu'après l'apôtre, celui qui avait le plus d'autorité, c'est l'évangéliste. Okay? C'est lui qui avait le plus d'autorité après. Mais il dit, tu vas combattre en gardant la foi. Pas rester, pas de toujours croire. Il ne parle pas de sa foi à lui. Mais en gardant la foi, c'est le contenu de la foi. Okay? Qu'est-ce qu'il y a dans la foi? C'est pas continue à croire, mon Timothée. C'est donc garde la foi, Timothée, la foi. Souvenez dans l'épître de Jude, quand on l'a vu. Je dis, j'ai décidé de vous écrire afin que vous gardiez la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, garder la foi, c'est garder la doctrine, garder l'enseignement, garder l'Évangile. Et ça, c'est le combat. C'est le combat de Timothée, mais c'est le combat de l'Église. Nous, la différence avec Timothée. Timothée, lui, puis Paul, puis les apôtres, les autres se sont battus pour mettre en place la doctrine. Nous, on ne se bat pas pour savoir c'est quoi le contenu. Le contenu, c'est le Nouveau Testament. Nous, on essaie juste d'interpréter le Nouveau Testament. Okay? C'est ça qu'on fait. On n'essaie plus de savoir s'il y a d'autres choses. C'est le Nouveau Testament, c'est fini. On n'a pas d'autres choses. Mais quand on veut emmener autre chose, c'est là qu'il faut se réveiller, les oreilles doivent nous sciller. C'est ça qu'il dit. Il y a des gens qui emmènent d'autres doctrines. D'autres. C'est-à-dire, c'est pas ça que je vous ai laissé, moi. Il y en a d'autres. Puis là, il amène des formes, il amène des généalogies, puis il amène des vains discours, puis il amène des contes dans l'Église. Il dit, c'est ces choses-là qu'il faut que tu enlèves, il faut que tu ne laisses pas rentrer, parce que ça va finir par prendre la place de l'Évangile. C'est ça le danger. Donc, il dit, tu dois te battre pour garder la foi. Pourquoi que c'est si dur pour l'Église de garder la foi? Pourquoi c'est si dur pour vous et pour moi? Pourquoi c'est si dur de rester une foi pure? Pourquoi est-ce que finalement l'Église finit toujours par mourir? Pas l'Église de Jésus-Christ, mais une église locale, mettons, ou une association d'église, finit par, comme vous avez entendu parler des luthériens, des méthodistes, c'est toutes des églises qui étaient évangéliques des années 1750-1800. Ils sont tous morts aujourd'hui, là. La simple évangile, c'est tout libéral, là. C'est tout libéral, ça. Mais pourquoi c'est si dur, vous pensez? Est-ce qu'on manque de vigilance, peut-être? Mais pourquoi qu'on manque? Pourquoi qu'on... Bon, ça, la vigilance, c'est le moyen, mais plus, je vous demande, pourquoi c'est si dur? Parce qu'on n'est pas resté intellectuellement. Oui, ça, c'est... Spirituellement. Non, mais parce qu'on vit encore, oui. Des pécheurs. Voilà. Ça, c'est pas des pécheurs, on n'a pas de problème. Le pécheur, ce qu'il veut, c'est amener des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est le pécheur qui est comme ça. Là, il faut être surveillé. Là, il faut être conscient. Là, il faut se réveiller. Le fait que je suis encore un pécheur, ça devrait me réveiller, ça, là. Puis Gaétan aussi, puis Vincent, puis Roger, puis toute la gang. On est des pécheurs, donc on va avoir tendance à s'éloigner. On va avoir tendance à se tasser et dire, « Ouais, mais pourquoi pas ça? Puis pourquoi pas ça? Puis pourquoi pas ça? » On va avoir tendance à laisser entrer des choses parce que ça satisfait la chair. Ça satisfait l'orgueil humain. Ça satisfait les plaisirs du monde. Ça rentre dans l'Église sans qu'on s'en rende compte. Tu sais, avant Darwin, vous avez tout entendu parler de Darwin. Quand Darwin est arrivé avec ses doctrines de fou là, par rapport à l'évolution, là, pourquoi ça rentrait dans l'Église? Ça satisfaisait la chair. Ça l'enlevait des persécutions. Est-ce que c'est vrai quand on dit que Darwin était un chrétien avant de partir? Non. Ben, en tout cas, je disais quelque chose justement là-dessus. Oui, le chrétien, il était catholique, lui. Là. C'était. Il a reçu un livre, justement, qui parlait de certaines choses d'écologie, des trucs comme ça. Puis il est parti avec ça, puis c'est à partir de là que tout a. Oui, c'était vraiment un chrétien, parce qu'à cette époque-là, quasiment tout le monde était chrétien, en Europe. C'était l'Église catholique qui régnait, on les appelait des chrétiens. On les appelait des gens qui croyaient en Dieu. Donc lui, Darwin était probablement un de ceux qui croyaient à la création, à ce moment-là. Puis là, il a abandonné la création. Pourquoi? Parce que ça satisfait l'orgueil humain. On est indépendant de Dieu. On n'est pas obligé de se soumettre à Dieu. Et donc, on sort de sous la tutelle de Dieu. Moi, je crois que des années 90, c'est le problème, c'était plus le darwinisme dans nos églises, c'était la psychologie qui rentrait dans nos églises. Le moi. De régler nos problèmes psychologiques. On est devenu là, on était centré, juste, il faut régler nos problèmes de couple, il faut régler nos problèmes de parents, il faut régler nos problèmes de nos enfants, il faut régler nos problèmes, il faut régler nos problèmes. On est devenu un hôpital psychiatrique. On voulait juste régler nos problèmes. Au lieu de proclamer la gloire de Dieu, on voulait juste régler nos problèmes. Puis un de ceux qui était un psychologue chrétien, c'est lui-même qui a dit dans les années 2000, il dit, nos églises, on a perdu la bonne direction. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler à nos problèmes. Mais le but de la vie, c'est pas d'avoir de problème. Le but de la vie du chrétien, c'est de proclamer l'Évangile. C'est pas juste régler ses problèmes. Et on a parti avec ça dans les années 90, les années 2000. Donc, il dit, Timothée, tu as reçu un don par l'imposition des mains, un don d'évangéliste. Donc, combat le bon combat, c'est ton rôle de combattre afin que l'Église reste attachée à l'Évangile pur. C'est ça ton rôle, Timothée. Si tu ne réussis pas à faire ça, Timothée, l'Église va s'éloigner et va mourir. Faut que tu fasses ça, Timothée. Comme ça, un job, toute une responsabilité qu'il avait à ce moment-là. Il dit, regarde bien maintenant, il dit, tu vas garder la foi et une bonne conscience. Ça, c'est plus compliqué un petit peu à comprendre. C'est quoi cette bonne conscience-là? Tu vas garder, Timothée, toi, parce que c'est à Timothée qui parle, là, en gardant la foi, et toi aussi, Timothée, en gardant une bonne conscience. Si tu perds ta bonne conscience, si tu deviens avec une mauvaise conscience, tu vas faire ce qui arrive, ce qu'il dit le verset après. Quelques-uns ont perdu cette conscience-là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Hop! Ils ont coulé. Fait naufrage, ça veut dire couler. Hein? Le bateau qui fait naufrage, c'est le bateau qui coule. Ça va dans le fond. Il dit, et C'est la bonne conscience. Il ne dit pas, ah, il a arrêté de croire. Non, il a perdu la bonne conscience. Puis à cause qu'il a perdu sa bonne conscience, il a fait un frère par rapport à la foi. Tu dis, hop, c'est important, ça, cette conscience-là, en tout cas, quelque part. C'est-tu la conscience à l'intérieur ou c'est la conscience qui veut dire la vérité? Non, la vérité n'est pas appelée la conscience. Okay. Elle va m'aider à garder la vérité qui est la foi. Okay. Et c'est un outil pour m'aider à garder la foi. Parce que si je la perds, je fais un naufrage par rapport à la foi qui est le bagage de ma vérité, de mes vérités par rapport à l'Évangile. Je vais perdre ça. Oh, c'est quoi cette histoire-là? La bonne conscience, ça doit être, je vais dire, le salut. Ce qui t'a amené au salut. Si tu perds ta bonne conscience, tu vas probablement abandonner le salut. Qui fait un naufrage par rapport à la foi. Oui. OK? Mais c'est la conscience qui va t'aider à garder la foi. Oui, mais si tu la perds. Oui, c'est. Donc, si tu perds ça, tu vas abandonner le salut si tu ne reviens pas. C'est ça qui fait un naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est ça qui dit, mais c'est quoi cette conscience-là? Parce qu'il va dire, il va l'appeler conscience pure ailleurs. Puis il va dire, les faux docteurs, eux autres, ils ont une conscience flétrie. Ou, non, cautorisée, dans le français, un autre mot. Cautoriser, ça veut dire quoi? Brûler au feu. Tu brûles au feu, cautoriser. Donc, ils ont une conscience morte ou Dieu. Ils ont encore une conscience. La conscience, ça fait partie de l'être humain. On est toujours une conscience. Mais le mot perdu, il y en a qui ont. Je ne sais pas s'il y avait tout le mot perdu. Ils l'ont perdu, cette conscience-là. Mais le mot dans l'original, ça veut dire qu'ils l'ont rejeté. Ils ont refusé de l'utiliser. Ils l'ont repoussé, cette bonne conscience-là. Ils n'ont pas écouté leur conscience. Ils l'ont fait taire, leur conscience. Tais-toi, papa! Puis tais-toi, puis laisse-nous faire, on va faire autre chose. Cette conscience-là, qu'est-ce que son rôle dans notre contexte à nous, là? Ici, là, c'est pas la conscience de dire, si je vais voler mon voisin, son skidou, je vais le cacher dans ma grange, je peux me sentir coupable. C'est pas ça qu'on parle ici. Mais ça nous rappelle des choses à c'est elle va me montrer quand je m'éloigne de l'Évangile. La conscience va me montrer quand je m'éloigne de l'Évangile. Si je l'écoute-tu ou si je ne l'écoute pas? Si je ne l'écoute pas, ben je vais m'éloigner encore de plus en plus. Rester fidèle à Dieu, dans le sens? Si ta bonne conscience va t'aider à rester fidèle à Dieu. Okay. Okay, mais ce n'est pas rester fidèle à Dieu. Okay. C'est quelque chose que Dieu a donné qui devrait nous éveiller pour nous dire ce qu'on est en train de faire en tant qu'Église, là, ça va pas être évangile. Il l'a donné juste aux croyants? Tout le monde a une conscience. Mais d'avoir une bonne conscience, c'est le croyant qui... Le croyant peut perdre sa bonne conscience, puis il dit, fais attention, Timothée, il faut que tu gardes ta bonne conscience. Parce qu'il dit, il ne faut pas que tu laisses rentrer les choses. Ta conscience devrait te le dire, il appelle ça la conscience, ta conscience devrait te le dire, là. Quand tu vois, là, des fables dans l'Église, puis qu'on accepte ça, là, ta conscience devrait te dire, « Hey, allume la lumière, petit gars! » Arrête-moi ça tout de suite, là. Avertis les gens, dis quelque chose là-dessus. Parce qu'il faut que tu les arrêtes, parce qu'ils vont éloigner, ils vont traîner les gens loin de l'Évangile avec ça, là. Il y a des choses qui rentrent dans nos églises qui deviennent... Ça peut devenir une habitude. Dans nos vies, ça devient... On le justifie. L'apôtre Jacques va dire ça autrement. Vous faites de faux raisonnements et vous justifiez vos comportements parce que c'est comme ça, c'est que ça. On justifie notre comportement et finalement, c'est pas grave. Et finalement, ça nous éloigne de Dieu. La conscience, François, va être capable de discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, et dans le contexte plus précis par rapport à la foi. Mais que la foi, elle reflète la personne de Dieu aussi, bien entendu, l'Évangile. Et les fois que ça m'est arrivé d'aller voir des gens qui avaient quitté la foi, quand je leur demandais pourquoi ils avaient quitté la foi, qu'ils avaient rejeté la foi. La plupart du temps, ils ne sont pas capables de me dire. Ils ne savent pas vraiment comment ils sont arrivés là. C'est très sournois dans les gens. C'est qu'on laisse rentrer un grain de sable, puis finalement, il y a un deuxième grain de sable, finalement, il y a un troisième grain de sable, finalement, la transmission ne fonctionne plus. On va le voir quand on va parler d'Éménée et Alexandre. C'est ça qu'ils ont fait, eux autres. Puis Paul, il dit à Timothée, faut pas juste dire à des gens qui posent des fausses doctrines, d'autres doctrines qu'ils appellent ici dans notre texte, c'est pas juste ceux-là, il faut que tu avertisses. Avertis la gang qui arrive avec le fort, là aussi. Là. Ceux qui amènent d'autres choses. Puis aussi, j'imagine, ceux qui l'écoutent. afin d'être encore. Oui, il va en parler. Au chapitre 5, il va parler. Là. Reprends. Reprends les vieux, mais fais-les doucement. On est tous des vieux. Reprends. Réprimande, c'est pas le mot qui dit. C'est le mot qui dit, c'est réprimande, mais pas trop dur. Parce que ces fausses doctrines-là, ces doctrines qui ont été ajoutées, ont influencé l'Église pendant des années. Et les chrétiens sont embarqués dans quelque chose qu'ils pensent être de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu. Parce que là, c'est dur de faire changer de direction après ça. Très dur. Plus ça fait longtemps que tu le fais, plus c'est difficile de l'abandonner. La première fois que j'ai parlé à l'association par rapport au repas du Seigneur, j'étais le seul dans le temps, pasteur, pour me traiter d'hérétique. Je me traiter ouvertement d'hérétique à cause de ça. Je l'ai payé, notre droit de le dire. Je l'ai payé parce que ça coûte cher de dire la vérité des fois à des gens. Mais j'ai dit, c'est pas ça que la Bible nous enseigne par rapport au repas du Seigneur. Quand ça fait longtemps que ça dure, c'est toujours plus dur. Hein? Une mauvaise habitude, ça prend du temps à lâcher. Quand l'Église rentre depuis des siècles, examinez-vous pour regarder si tu n'as pas des péchés dans ta vie avant de prendre la communion. C'est du catholicisme pur et dur. Et le dire, tout d'un coup, c'est pas si facile que ça. Puis quand tu pars, tu as un risque. Tu as un risque de rejet. C'est un risque qu'on va te dire que tu es un hérétique. La première fois, j'ai parlé de la prière à mon professeur. Il dit, François, t'es un hérétique, arrête de te dire, t'es ça fait demain. Bon, une deuxième fois, pourquoi il m'a dit ça? T'es un hérétique tout le temps. C'est que tu, si tu ne dis pas comme tout le monde, tu vas être un hérétique. Là. C'est ça qu'on va te dire, t'es un hérétique parce que tu ne penses pas comme tout le monde. Mais est-ce que je pense comme Dieu, au moins, c'est ça qui est important. Est-ce que je pense comme les Écritures, c'est ça qui est important. Et quand on veut le faire, il y a une espèce de prix à payer. Parce que le combat qu'on parle ici, c'est dans l'Église que ça se passe. Ce n'est pas avec les inconvertis. Dans Éphésiens, c'est un combat contre le monde, jusqu'à certains points, des ténèbres. Mais ici, on est dans l'Église. Et c'est plus difficile à ce moment-là. Il dit, la bonne conscience, donc votre conscience, devrait vous avertir quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas en accord avec les Écritures ou avec l'Évangile. Donc, il faut que je connaisse bien l'Évangile. Hein? Je connaisse bien l'Évangile, bien comme il faut. Là, quand j'entends quelque chose dans l'Église, ou quelque chose qui se fait dans l'Église, ou des choses qui sont anciennes, wow, ça va, on ne marche plus, là. Ça ne va pas dans la bonne direction, là. Les Écritures ne disent pas ça, là. OK, donc, il faut être capable, puis ça prend un peu de guts, puis un peu de décision. Non, on se trompe, là. On se trompe, là. On est en train de s'éloigner, encore une fois, de l'Évangile. Mais plutôt, si on ne connaît pas bien l'Évangile, mais là, on ne parle pas, on ne sait pas c'est quoi la vérité. On ne parlera pas, on ne sort pas. Mais il dit, Timothée, tu dois faire ça, parce que c'est tellement important d'avoir une bonne conscience, parce que si on n'a pas, on fait naufrage par rapport à la foi. Faut que je la développe, ma conscience, faut que je l'aiguise, faut que je la ranime, si elle est endormie, faut que je fasse de quoi avec. Là. Parce que je peux faire naufrage par rapport à la foi si je ne l'ai plus. C'est ce qui arrive ici, là. C'est ce qu'il dit. Là. C'est donc qu'il a dit, certains d'entre eux autres, il a dit, cette foi-là, certains l'ont perdu la foi. Non, ils disent, ils ont perdu la conscience. Pas la conscience, mais une bonne conscience, je devrais dire. Ils l'ont perdu. Donc, comment je vais développer ma conscience? Comment je vais la ranimer? Parce qu'il va dire à Timothée, « Ranime, mon Timothée! » Il va dire, « Ranime! » Comment je vais faire ça pour arriver à dire, « J'ai besoin d'avoir une bonne conscience. Je dois développer le discernement pour reconnaître ce qui n'est pas de Dieu et ce qui vient de Dieu. » Ça, c'est toute notre responsabilité à nous autres, hein, de faire ça. D'où ça vient, ça, cette vérité? Des fois, ça m'est arrivé de parler avec des chrétiens. Où est-ce que tu étais chercher ça? Oh, j'ai lu un livre. J'ai écouté quelqu'un là-bas. Là. Bon, elle dit, OK. Mais j'ai dit, il faut revenir aux Écritures maintenant. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ça? Je me souviens, une des premières fois, j'allais voir M. Cotenoir. M. Cotenoir croyait à la dîme. Il fallait donner notre dîme. La première fois, je suis allé le voir par rapport à ça. Je dis, M. Cotenoir, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. Nous, ça ne nous enseigne pas ça. Et puis là, il m'a emmené tout dans l'Ancien Testament, il m'a montré que c'était tout là dans... Sinon, nous, la Bible, elle ne nous enseigne pas ça dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas là. Et ça, il faut toujours revenir, toujours, on est toujours en train de vouloir s'en aller dans des directions qui sont différentes. Là, il va dire, pour nous aider à comprendre, OK? Il dit, de ce nombre, c'est qui ça? Le nombre, c'est qui là? De ceux qui ont abandonné la bonne conscience, hein? Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, c'est qui ça? Bien, deux de ceux-là, c'est Hyménée et Alexandre, qui ont perdu une bonne conscience, et Paul, voyant ça, il l'a fait avant d'écrire la lettre, c'est déjà fait ici, là. Jésus livré à cet test, c'est dans le passé. Donc, il avait fait ça avec eux avant d'écrire la lettre à Timothée. Avant. Donc, il dit, moi, je les ai rencontrés, ces deux gars-là. Je ne sais pas s'il l'a fait face à face, ou s'il l'a fait en les envoyant dire, ou en les proclamant, méfiez-vous de ces gars-là, faites attention à ces deux gars-là, ils vous éloignent de la vérité. Je vais vous lire quelque chose qui concerne d'Hyménée puis d'Alexandre. Écoutez bien ceci. C'est Paul qui parle à Timothée encore. Évite les discours vains et profanes. Hein, on en a parlé là, de ça. Car ceux qui les tiennent, bon, qui parlent, qui prêchent, qui enseignent, qui proclament ces discours vains et profanes. Vain, ça veut dire que ça n'a pas d'utilité pour le royaume de Dieu. Profane, c'est que ça vient du monde. Ça ne vient pas du sacré, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ceux qui les tiennent, ces discours-là, avanceront, remarquez bien, le temps. Ils avanceront toujours plus dans l'impiété. Parce qu'ils tiennent des discours vains et profanes. Et leur parole rongera comme de la gangrène. Ma grand-mère, Fleury, est morte de la gangrène. Elle n'est pas morte du jour au lendemain, ça a pris des années, ma grand-mère. La gangrène l'a rongée, petit à petit. Quand on reste à rentrer des fins discours, des discours absurdes, des discours profanes dans l'Église, avec le temps, ça va être comme de la gangrène et ça va ronger, ronger, ronger jusqu'à temps qu'on n'est plus dans la foi. C'est ce que ça fait quand on s'attache à ces choses-là. De ce nombre sont Hyménée et Philippe. Donc Hyménée était un de ceux-là qui, lui, proclamait des vains discours et des discours profanes. Mais remarquez bien ce qu'il va dire. Qui se sont détournés de la vérité, Hyménée, disant, quoi? La résurrection est déjà arrivée. Le gars, il n'a pas abandonné l'Église, il est dans l'Église, mais il dit que la résurrection est déjà arrivée. Puis il y en a une gang qui croit ça, puis il dit, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, ils l'ont dit dans l'Église, ils n'ont pas été repris, ils n'ont pas été avertis par Timothée ou d'autres, et ils ont convaincu des gens que c'est arrivé. La résurrection est déjà arrivée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, Paul dit, c'est pas bon, c'est pas correct, c'est pas vrai. Ils doivent être repris, ils doivent être remis à leur place. Ils disent que la résurrection est déjà arrivée, mais c'est pas vrai. Mais il n'y a personne qui leur disait. Il semblerait, c'est ça qu'ils semblent le dire. Ils leur ont dit, mais ils n'ont pas été assez forts pour les mettre à la porte, en tout cas. Oui, en tout cas, l'Église ne l'a pas dit. D'une genre, mais est-ce que Timothée il a peut-être assez fort ou assez direct ou assez. En tout cas, ils vont en reparler au chapitre 2, qu'on fera avec ces gens-là. C'est la même vérité que dans Thessaloniciens qui parlait du retour du Seigneur. Le Seigneur était déjà revenu. Ouais. Mais ici, c'est la résurrection est déjà arrivée. C'est pas la même chose. Non, il y a une petite nuance entre les deux, mais ça sont pas mal proche l'un de l'autre, mais c'est une petite nuance entre les deux. Non, il y a des choses que, dans l'Église qu'à un moment donné, faut le voir, puis dire, mais c'est pas biblique, il faut arrêter ça. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Donc, c'est Alexandre, lui, il se marquait, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. OK, mais ça ne veut pas dire que c'est du mal physique, ça peut être du mal en parole. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. OK, donc, c'est. Je vous le répète, entre ce qu'on dit et avec les œuvres, ça va toujours ensemble. Il il disait des choses, parce qu'il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'opposait à l'Évangile, Alexandre. Mais ses œuvres le manifestaient aussi. Tu peux pas faire, tu agis ton homme, l'homme agit selon son cœur, c'est ce que Proverbe dit aussi. L'homme agit, la femme aussi, hein, vous en inquiétez. On agit selon notre cœur. Quand, si l'Évangile, quand moi, on a parlé à un moment donné déjà de la prière, quand je me suis rendu compte qu'on priait, puis dans nos prières, c'était qu'on essayait d'amener Dieu à faire ce qu'on voulait. Hein? On demandait à Dieu, fais-moi ça, donne-moi ça, garde-moi ci, garde-moi là. Puis d'un coup, tu réalises, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment ça que nous, on dit à Dieu quoi faire tout le temps? Là, tu t'arrêtes, tu dis, mais c'est quoi cette histoire-là? D'où ça vient, cette idée-là? D'où ça vient qu'on peut dire à Dieu, ben là, je suis malade, puis je ne veux plus être malade. Bon, puis demain, je vais aller en pique-nique, puis fait qu'il fasse beau. Puis, mon mari, là, ben, change de don. On veut que Dieu soit notre service. C'est presque blasphématoire jusqu'à certains points. On croit qu'on peut manipuler Dieu par nos prières. Puis des fois, on pense que si on le répète assez longtemps, il va finir par le faire. C'est ce que Jésus dit. Pensez pas comme les païens qui pensent qu'à force de répéter, vous allez être exaucé. Pensez pas le même. Là. Okay? C'est pas la répétition qui va amener Dieu à agir. Pas en tout. Donc, Alexandre et... C'est pour ça qu'ils ont été livrés les deux à Satan. Les deux s'opposent à la vérité. Pourquoi? Mauvaise conscience. Ils n'ont pas écouté leur conscience qui les avertissait avant qu'ils soient trop tard. Votre conscience vous avertissait, mais ils n'avaient pas écouté. Il est trop tard. Je vous ai livré à Satan. Vont-ils vraiment un jour apprendre à ne pas blasphémer? En tout cas, ça c'est avant la première lettre. Dans la deuxième lettre, ils sont encore pognés avec ça. Donc, ça fait plusieurs années. Donc, c'est le but de Timothée, que Paul laisse Timothée là, c'est que l'Église revienne, j'appelle ça sur le droit chemin, avec une foi pure, avec une conscience pure, avec un amour pur pour Dieu, qu'il n'y ait pas de mélange. C'est le danger de l'Église. L'Église, avec les années, va faire un mélange. Un mélange avec la Bible, mais avec d'autres doctrines. Les musulmans ont fait ça en partie. Les musulmans, l'Ancien Testament, c'est très bon pour eux autres. Ils aiment ça, l'Ancien Testament, les musulmans. Mais pas le Nouveau Testament. Ça, ils ne veulent pas le lire. Ça, c'est une invention d'apôtre. Puis Jésus, c'est juste un prophète. C'est pas Dieu fait chair, c'est juste un prophète. Mais ils ont... Le mélange est plus dangereux que... Une foi, quelque chose de complètement direct qui va s'opposer à l'Évangile. Les pharisiens s'opposaient ouvertement devant tout le monde, on savait qu'ils étaient opposés à Jésus-Christ. Donc, livrer à Satan, ça fait quoi livrer à Satan, là, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas croyants, ils ne sont plus croyants. Parce que c'est pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer, il ne dit pas que ce n'est pas des croyants. Non, tu ne peux pas apprendre un incroyant à ne pas blasphémer. S'il livre à Satan. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. La plupart pensent que c'est. Ils veulent chasser de l'Église. Non, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que les gens pensent en général. Les livrer, les mettre dans le royaume de Satan, en dehors du royaume de Dieu, du royaume de la lumière. Tu veux prêcher des mensonges comme Satan, mais va-t'en avec Satan, va-t'en en dehors de l'Église. Mais il semble que. Hyménée et Alexandre ont encore un rôle dans l'Église parce qu'ils influencent l'Église. Ou alors, ils ont-ils parti leur petite secte à eux autres de côté, puis ils continuent à dire qu'ils sont des croyants en prêchant que la résurrection est déjà arrivée, peut-être aussi. Donc, mais la question qu'on doit se rappeler ici, c'est que Timothée a combattu pour... en gardant la foi, en gardant de bonne conscience, afin que les générations qui étaient poursuivies aient la vérité. Nous, on doit combattre aussi. Pas pour mettre en place le Nouveau Testament, il est déjà en place. Mais pour ne pas laisser rentrer d'autres choses. Dans nos vies personnelles ou dans nos vies d'Église, Si je n'utilise pas ma bonne conscience pour moi-même avant, je ne pourrais pas l'utiliser pour l'Église non plus. Il faut que j'utilise pour moi avant. Puis est-ce que ma conscience me dit que quelque chose qui ne va pas avec l'Évangile, l'Évangile? Parce que moi, je vois corps pur, conscience pure, foi pure. Y a-t-il une double vie dans ma vie? C'est-tu double, ça, cette affaire-là? Est-ce que je me dis croyant et j'ai une autre vie qui est là, qui se manifeste? Est-ce que j'ai quelque chose qui est vrai, qui n'est pas une double face, on appelle ça, hein? Qui n'est pas un double jeu? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que je le vis ce que je dis? Et c'est important qu'on prenne le temps pour nous autres, même personnellement, avant de vouloir savoir si l'Église elle est égarée dans de fausses doctrines. Si je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour les autres. Mais est-ce que ma vie reflète ce que je prêche? Est-ce que oui ou non? Est-ce que s'il y a contradiction, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. C'est contradictoire, donc ça ne peut pas marcher. Donc, je ne peux pas. Je parlais avec un homme un jour, quand il n'était pas chrétien, il emmenait des femmes chez eux, puis il disait à sa femme de sortir de la chambre, puis il rentrait des femmes dans sa chambre à lui. Mais ça aurait été bien mal foutu de dire qu'il aimait sa femme. Là, mm-hmm. Ça aurait été bien dur de vouloir essayer de les convaincre qu'il aimait sa femme. Et de dire qu'on aime Dieu, puis que Dieu, c'est notre raison de vivre, Dieu, c'est notre raison d'être ici-bas, sa gloire, c'est notre priorité, c'est notre... Est-ce que c'est une réalité dans ce que l'on vit? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça qui se... Ce que j'entends dans les églises américaines, depuis une quinzaine d'années, j'en ai déjà parlé, c'est que les pasteurs dans les églises américaines sont en train de réaliser que la moitié des églises dans lesquelles ils sont, c'est pas des croyants qui sont là. Ils s'en rendent compte à un moment donné. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ils se remettent à prêcher l'Évangile à l'Église, pour essayer de voir que des gens qui devaient se convertir. Hein, parce qu'ils voient bien qu'il y a une dichotomie, il y a une séparation entre ce qu'ils disent, ce qu'ils chantent, puis entre ce qu'ils vivent dans la semaine. C'est deux choses différentes. Donc, ils se réveillent là. Puis, parce qu'il y a été des années 50, aux années 75 à peu près, aux États-Unis, c'était la quantité. Puis là, on exaltait les milliers qui se convertissaient par Billy Graham, puis les milliers, puis les dizaines de milliers. C'était la quantité qui était importante. Puis là, on se rend compte que c'est peut-être pas ça qui était peut-être aussi important. Et de prendre le temps de s'asseoir, de dire, est-ce que ma vie reflète ce que je prêche? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je crois? Si oui, fantastique, grâce à Dieu. Sinon, je devrais m'arrêter et dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je redresser ça? Comment je fais ça? Est-ce que j'ai écouté ma conscience en m'en allant? Et comme je disais tout à l'heure, Jacques nous avertit de ne pas faire de faux raisonnements avec les Écritures. De ne pas se convaincre nous-mêmes par de faux raisonnements qu'on est correct quand on n'est pas correct. Il faut juste l'admettre et dire, je me suis planté, je me suis égaré à quelque part. Je veux revenir dans le droit chemin, je veux repartir. C'est ça qui est important. Et Timothée, dans ce qu'il vit là, à partir du chapitre 2, on va voir des manifestations dans l'Église de choses qui ont parti croche à cause d'autres doctrines, à cause de formes, de contes, de vains discours, de discours profanes, de discours absurdes, qui sont dans l'Église et qu'on enseigne, qu'on prêche, qu'on dit, qui sont devenus comme des vérités, entre guillemets. Et ça a amené les gens à faire des décisions, à faire des choses qui étaient contraires à la sainte doctrine. Il va dire à quelques reprises, ne faites pas des choses qui sont contraires à la vérité ou à la piété. Il va dire ça. Vous avez un comportement qui est contraire à la piété ou à la vérité. C'est important moi, je dirais que c'est comme... C'est important qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de regarder sa propre vie et de dire, est-ce que je suis correct, est-ce que je suis dans le bon chemin? Mm-hmm. C'est important de s'arrêter, de le voir, de s'interroger. Puis si vous avez de la misère à faire, Trouvez-vous quelqu'un qui va vous aider à le faire. Puis c'est de dire, ben, tu penses-tu, toi, je suis la vérité? Penses-tu, je suis sur le bon chemin, moi, si ma vie ne reflète pas ce que je prêche? Et c'est de ça peut être fait différemment, mais c'est de se trouver une façon de dire, est-ce que ma vie reflète ce que je vis en tant que croyant? Il n'y a personne d'entre nous qui reflète à 100% l'Évangile. On a tous nos points faibles, on a tous nos échappatoires. Mais en même temps, c'est de dire, je suis ouvert avant que la gangrène poigne, avant que la gangrène me rejoigne et que je fasse naufrage par rapport à la foi. Parce que vous en avez connu, j'en ai connu, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont rejeté la foi, ils ont abandonné, qui sont encore dans la foi, mais qui ont changé des doctrines. Qui ont enlevé la Trinité, ou qui enlèvent ici, ou qui enlèvent l'enfer, ou qui enlèvent des vérités, et puis ils disent qu'ils sont encore des croyants. Il y a une limite, il faut faire attention en faisant ça. Nous allons terminer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir permis de voir l'apôtre Paul qui dit « J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et par incrédulité. » Mais notre grand Dieu m'a fait miséricorde. Sa grâce a surabondé par la foi et par l'amour en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Paul, Timothée et d'autres ont combattu pendant leur vie afin qu'on puisse avoir la vérité, qu'on puisse avoir le Nouveau Testament, qu'on puisse savoir ce qui était notre bagage spirituel. Théologique. Seigneur, on veut s'arrêter et prendre au sérieux le fait que nous devons prendre le temps de s'examiner et de dire est-ce que je vis une vie double, est-ce que je vis une vie qui proclame quelque chose mais qui vit autre chose. Et Seigneur, donne-nous la grâce de le voir par ton Esprit Saint, de le voir en écoutant des enseignements ou en lisant des livres que de chrétiens ou en parlant avec d'autres chrétiens, qu'on puisse être humble et accepter de reconnaître que dans certaines places, on s'est trompé, on s'est laissé avoir, on a cru des formes, on a cru des contes, on s'est menti à soi-même, et que Seigneur puisse-tu nous faire cette grâce, nous faire cette miséricorde, et afin que ton Église puisse transmettre à l'autre génération une foi pure, une foi sincère. Mm. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et toi? Merci encore une fois, François. Si vous voulez, on va tourner dans Apocalypse, chapitre 7. Et on va lire quelques versets, à partir du verset 9. Apocalypse 7, verset 9. Verset 9 dit, « Après cela, je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Mm. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Quand que je lisais ce passage-là, je me disais, nous autres ici, un jour, on va se trouver devant le trône. Puis on va crier d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à la loi. Tout cela est rendu possible grâce au sacrifice de Jésus au sein de la loi. Merci, grand Dieu, du temps que tu nous accordes encore aujourd'hui, qu'on puisse se rappeler ce que Jésus a accompli. Il est venu accomplir le plan de son Père, établir son royaume, composé de serviteurs et d'adorateurs, et réalisons, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes, des adorateurs et des serviteurs de ce grand Dieu. Ce Jésus que l'on se rappelle en prenant le repas du Seigneur, même si lors de son dernier repas avec ses disciples, il savait que parmi ceux qui étaient assis à table avec lui, il y en aurait qui le trahiraient, qui le renieraient et qui l'abandonneraient. Mais il leur a démontré son amour en leur disant, dans pas long, en quelques heures, mon corps va être livré pour vous. Mon sang va couler pour vous. Matthieu 20, 28 nous dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. On va prendre le repas et on va faire comme l'autre semaine. Moi, c'est nous, on va passer les éléments. On va prendre le repas. On va prendre le repas. J'ai souvent l'habitude, c'est pas une habitude, mais une tendance à prendre le repas en considérant ce que Jésus a accompli. Oui, c'est vrai. C'est important de s'arrêter là-dessus. Mais prenons le repas aussi en se rappelant ce qu'il a passé ces dernières heures. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment ça a été difficile? Rappelons-nous de ça aussi. Et après, comme l'autre semaine, on vous fait jouer un petit chant et on prendra quelques instants après. Et ceux qui veulent prier le Seigneur, on pourra le faire. se repose en se repliant.